il reçut dans la même semaine une lettre des Lauriers annonçant qu'il arriverait à Paris jeudi prochain. Alors, il se rejeta violemment sur cette affection plus solide et plus haute. Un pareil homme valait toutes les femmes. Il n'aurait plus besoin de Rochambard, de Pellerin, du Sonnet, de personne. Afin de mieux loger son ami, il acheta une couchette de fer, un second fauteuil, dédoubla sa literie. Et, le jeudi matin, il s'habillait pour aller au-devant des Lauriers quand un coup de sonnette retentit à sa porte. Arnaud entra. « Un mot seulement. Hier, on m'a envoyé de Genève une belle truite. Nous comptons sur vous tantôt, à 7 heures juste. C'est rue de Choiseul, 24 bis. N'oubliez pas. » Frédéric fut obligé de s'asseoir. Ses genoux chancelaient. Il se répétait « Enfin, enfin !» Puis, il écrivit à son tailleur, à son chapelier, à son bottier, et il fit porter ses 3 billets par 3 commissionnaires différents. La clé tourna dans la serrure, et le concierge parut, avec une malle sur l'épaule. Frédéric, en apercevant des Lauriers, se mit à trembler comme une femme adultère sous le regard de son époux. « Qu'est-ce donc qui te prend ?» dit des Lauriers. « Tu dois cependant avoir reçu de moi une lettre. » Frédéric n'eut pas la force de mentir. Il ouvrit les bras et se jeta sur sa poitrine. Ensuite, le clerc conta son histoire. Son père n'avait pas voulu rendre ses comptes de tutelle, s'imaginant que ces comptes-là se prescrivaient par 10 ans. Mais, fort en procédure, des Lauriers avaient enfin arraché tout l'héritage de sa mère, 7 000 francs net, qu'il tenait, là, sur lui, dans un vieux portefeuille. C'est une réserve, en cas de malheur. Il faut que j'avise à les placer et à me caser moi-même, dès demain matin. Pour aujourd'hui, vacances complètes. Et tout à toi, mon vieux. Oh, ne te gêne pas, dit Frédéric. Si tu avais ce soir quelque chose d'important. Allons donc, je serais un fier misérable. Cette épithète, lancée au hasard, toucha Frédéric en plein cœur comme une allusion outrageante.